رحمه الله الحق هو هذا، أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام فعرشه على الماء ثم استوى على العرش لحكمة يعلمها. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العقل، هذا التعليق من الشيخ لعلمه لعقيدة الأشاعرة، لأن ثم هنا لمجرد العقل لا تفيد الترتيب، هذا ترتيب رب العالمين حيث لا يشعرون. في ستة في عدة مواضع ثم استعملت. كيف تقول إنها ليست الترتيب؟ القرآن عربي نزل بلغة عربية على النبي العربي الأمي الأمين، لو كان ثم ليست الترتيب أول ما يبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة، افهموا لأن ثم يوم في هذا الوقت يقول صاحب ظلال القرآن ثم لمجرد العبد ولا تفيد الترتيب، ولا نعرف ما هو العرش ولكن نتأكد ونوقن ولا نشك لأن استوى بمعنى الهيمنة أشعرية فريحة من رجل كنا نحسب أنه تحرر من الأشعرية، فإذا هو أشعري محض الهيمنة غير التعبير، والذين قبله يقولون الملك والسلطان والاستيلاء وعبر بالهيمنة غلط. لذلك الشيخ هراس نص على أن ثم للترتيب ردا عليهم، هو أعرف بهم لأنه عاش معهم، وجوب الترتيب واجب، فلسة الترتيب واجب. اقتضت حكمة الله بعد أن خلق السماوات والأرض أن يخبرنا بأنه مستوى على عرشه، استوى على عرشه، على عرشه، لماذا؟ لحكمة يعلمها. هذه صفة فعل، أفعال الرب كلها بحكمة، وهذا كذلك ما تنكره الأشعرية، لا يثبتون الحكمة لفعل الرب سبحانه علما لأنه العليم الحكيم من أسماء الحكيم، لا يفعل ولا يقضي ولا يشرع ولا يخلق إلا لحكمة. Ceci est une autre réfutation de Cheikh Docteur Mohamed Aman bin Ali Al-Jami rahimahullah vis-à-vis de Sayyid Qutb sur un aspect de sa croyance qu'est sa falsification du sens de l'attribut de Al-Istiwa, l'établissement sur le trône. Elle se situe dans la série de conférences de commentaires de Cheikh Al-Jami rahimahullah sur l'explication de son Cheikh Mohamed Khalil Harras rahimahullah portant sur le livre de Al-Wasitiyya de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh Mohamed Aman Jami rahimahullah dit: le commentateur, c'est-à-dire Cheikh Mohamed Khalil Harras rahimahullah, dit: la coordination est celle-ci lorsqu'il dit: Allah était et il n'y avait rien avant lui. Kana Allahu ولم يكن شيء قبله. Ensuite, il créa les cieux et la terre en six jours, et son trône était sur l'eau. ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. Ensuite, il s'est établi sur le trône. ثم استوى على العرش. En six occurrences que nous connaissons, ثم ensuite, ici signifie la succession dans le temps et non pas la simple coordination. Cheikh Jami souligne ce commentaire de la part de Cheikh, c'est-à-dire Harras, s'impose puisqu'il connaissait la aqida, croyance des Ash'arites, car avancer que thumma, ensuite, ici serait pour la simple coordination, ceci est un démenti envers le Seigneur des univers, qu'ils le savent ou non. En six occurrences C'est-à-dire que thumma, c'est-à-dire ensuite, fut employé en plusieurs endroits. Comment oses-tu dire qu'elle ne signifie pas l'ordre, la succession? Al-Qur'an est en arabe. Il fut descendu selon la langue arabe sur le prophète arabe qui était illettré et qui, si jamais thumma n'était pas pour l'ordre, la succession, ce serait lui le premier à l'expliquer, alayhi salatu wasalam, aux compagnons. Comprenez, ifhamu. Or, l'auteur de Az-Zilal dit que thumma, ensuite, est pour la simple coordination et ne signifie pas l'ordre, le classement. Et nous ne savons pas ce qu'est le trône. Néanmoins, nous sommes sûrs et certains et nous ne doutons point que istawa signifie l'hégémonie, al-haymana. Cheikh Jami commente. Ceci est du dogme ash'arite explicite qui émane d'un homme que nous avons pensé s'être défait, libéré de l'ash'ariya. Or, il s'avère être un ash'ari pur et dur. Il dit al-haymana. Ça y est, il rendit son commentaire explicite, clair. Ceux qui le précédèrent avaient dit al-mulk wa-sultan wa-l-istila, la royauté, le pouvoir et l'accaparement. Et lui, il s'est exprimé par al-haymana, l'hégémonie, la domination. Ceci est une faute grave, ghalat. C'est pourquoi Cheikh Harras avait souligné littéralement que thumma vient ici pour l'ordre. C'était pour le réfuter. Il les connaissait davantage que nous, puisqu'il était leur compatriote. L'ordre qui est là est obligatoire. La sagesse d'Allah fait qu'il nous informe de son établissement sur le trône après avoir créé les cieux et la terre. Il s'est établi sur le trône. Issawa ala al-arsh. Il s'est établi sur son trône. Pourquoi? Pour une sagesse qu'il sait. Ceci est un attribut relevant des actes, sifatu fi'l. Nos du traducteur, les attributs d'Allah relèvent soit de son être, sifatu dhat, soit de ses actes, sifatu fi'l. Fin de cette note. Revenons au commentaire de Cheikh Jami rahimahullah. Il dit, tous les actes du Seigneur dénotent de la sagesse. Et ceci est aussi parmi les choses que les Ash'arites renient. Ils ne reconnaissent pas la sagesse pour Allah subhanahu, alors que c'est lui l'omniscient et c'est lui qui est parfaitement sage. Et parmi ses noms, le tout sage, Al-Hakim, il ne fait, ne juge, ne légifère, ne crée que pour une sagesse.